Christophe ! Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Tu m'as l'air dans une forme épatante, là. C'est moi ? C'est toi. C'est Helmut ? C'est Helmut. La forme, le sourire, la convivialité. Ah ! Mais en plus, c'est parce que j'ai une révélation hier après-midi. Génial, j'aime tes bras. Je me promenais, tranquillou, dans la rue. Vous m'imaginez, quand d'un seul coup, un type arrive vers moi et me tend une kleine petite carte de visite. Moi, poli comme un prince, vous me connaissez, je lui dis « Dégage, cloporte, ou je t'arrache la foi. » Le gars se méfie, me jette la carte. Carte qui atterrit sur moi. Du coup, je la prends et je jette un coup d'œil dessus. « Professeur Khalifa résout tous vos problèmes, succès garanti. » Oula, voilà qui est intéressant. Et hop, je décide de rendre une petite visite au professeur en question. J'arrive devant la porte, je sonne, on m'ouvre, je rentre. Un grand noir habillé en tissu à fleurs et à fruits m'accueille. J'ai lu ton prospectus, Mobutu, et je suis assez intéressé. Le gars me demande si je souffre d'impuissance, question à laquelle je réponds par un coup de tête suivi d'une ablation de l'œil droit. Le gars se relève et me demande si je voulais être désenvoûté peut-être. Ah, pourquoi pas ? Allez, banco ! Je m'allonge, comme demandé par mon hôte. Une heure plus tard, j'avais le corps recouvert de sang de poulet, des bâtons d'encens dans les narines et de branches d'arbres sacrés plantées à un endroit qu'on m'a interdit d'évoquer à cette heure matinale. Une fois ma douche prise et mes pommades mises, je lui demande ce qu'il peut faire d'autre pour moi. Il me propose le retour définitif de la personne aimée. 12 heures plus tard, j'avais fini ma liste et je lui donne. D'un air étonné, il me dit qu'en fait, il ne peut pas faire revenir tout le monde, une seule personne à la fois, que 833, c'est beaucoup trop, même si c'est des ex-copines. Suite à 98 coups de fouet, il change d'avis et me dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. Il fait brûler des trucs et des machins, il a égorgé je sais pas combien de poulets supplémentaires, il a sacrifié 2 vierges et 3 vieilles, il a fait une grille de loto, il s'est retourné vers moi et m'a dit qu'il avait terminé. Eh bien, croyez-moi ou pas, depuis hier soir, c'est le grand défilé dans mon appartement. Ah, ils sont forts, ces sorciers. Bon, moi j'y vais, je suis sûr qu'il y a encore du monde devant ma porte. Allez, auf Wiedersehen.